Chacun de nous est un mystère dont il ignore l'inventaire. Brusquement, je recule en criant, effrayé. Un serpent, aussitôt mais dirige ses yeux vers l'animal, puis elle sourit. Il n'est pas dangereux, me tranquillise-t-elle. Il n'attaque pas les humains. Tous les deux, nous le regardons se déplacer calmement sur le sol, en zigzagant, puis disparaître dans l'herbe. Je prends conscience de mon handicap. Si j'étais seul ici, dis-je, je mourrais. Pourquoi? À cause de mon ignorance. Je ne saurais ni quoi manger, ni quel animal éviter. Quelques minutes après, nous sommes de nouveau assis sur notre divan naturel. Nous admirons l'horizon et ses fantastiques changements de couleur. Finalement, le ciel se teinte de bleu sombre, les montagnes s'obscurcissent totalement. Je jette un coup d'œil discret vers Mei, elle est pensive, d'une tristesse qui me touche profondément. Mais je n'en demande pas le motif, par respect de l'intimité de mon accompagnatrice. Après un instant, je me ravise, au contraire. Je dois lui poser la question, autrement elle penserait que je ne fais pas attention à elle. Avec le maximum de douceur, j'interroge. Pourquoi cette tristesse? Mei, surprise, tourne le visage vers moi. Elle s'efforce d'esquisser un vague sourire. Excuse-moi, je l'ignore moi-même. Confuse, je me cache le visage dans les mains. Pourquoi ce trouble? Est-ce le retour dans des lieux si chers à mon cœur, ces heureux moments de ma jeunesse? Est-ce l'éloignement d'eux pendant trop longtemps? Un brusque désir me saisit, enlacit Mei pour la consoler. Non, je crains de lui causer un embarras. Une autre idée surgit, me lever et m'éloigner, pour la laisser vivre à son aise sa mélancolie. Non, je lui donnerai l'impression de la délaisser. Autre intention encore, prendre délicatement la main de Mei et la serrer dans la mienne en signe de solidarité. Non, c'est inopportun. Finalement, je baisse les yeux vers la terre, espérant ainsi communiquer à Mei ma solidarité silencieuse avec elle. Un instant après, j'entends une mélodie. Je tourne les yeux vers Mei. De profil, regarde devant elle, tête bien droite, elle murmure à voix très basse une chanson. Tonalités longues et suaves, suivies par des brèves en forme de point d'orgue. À moins que je ne me trompe, le style laisse croire à l'expression d'amer regret, exprimée avec une tonalité à fendre une roche. Les mots sortent de ma bouche lentement, me libérant d'un poids oppressant. Heureusement que mon compagnon ne comprend pas le chinois, sinon je n'aurais pas osé. Oui, labourez mon cœur, et creusez mes entrailles en sillons de douleur. Détruisez la muraille, sortez-moi de l'abîme, ô paroles sublimes. J'écoute totalement sous le charme. Comme Hua, Mei, elle aussi chante, et sa voix est ravissante. Dans la pénombre, son visage semble irréel, sa voix est troublante. Hua et Mei me semblent étrangement se confondre. Une fois la mélodie terminée, mon corps reste immobile, mon esprit est vide. Mes yeux contemplent la montagne et sa couverture végétale, apparemment déserte mais fourmillante de vie. Un long, très long moment passe. Enfin, je tourne lentement le visage vers mon compagnon sans rien dire. Je veux simplement lire sur son visage l'impression de ce qu'il ressent. Cette chanson t'a plu ? Il met un instant avant de répondre. Oui, beaucoup. Une demande sort spontanément de ma bouche. De quoi parle la chanson ? Comment expliquer à un occidental une chose spécifiquement chinoise ? J'essaie. Cette chanson évoque différentes variétés de fleurs présentes dans ces montagnes. Chacune d'elles correspond à une émotion humaine, de la plus heureuse à la plus malencontreuse. Chez nous, en Chine, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, la relation avec la nature est très forte et très profonde. C'est parce que nous sommes conscients que tout nous vient d'elle, les inondations et les sécheresses, la lumière et l'oxygène, les ténèbres et les poisons. Impossible de trouver une poésie traditionnelle chinoise où la nature n'est pas présente, d'une manière ou d'une autre. Un peu plus tard, la nuit tombée, l'air est le plus pur, le plus parfumé. Une lune d'une clarté splendide illumine le paysage. Elle colore les montagnes et de légers nuages, flottant à mi-hauteur des massifs. Dans le silence absolu, le cœur des cri-cris de grillons commence sa joyeuse symphonie, tout autour de nous, paisible et charmante. Les grillons. Il y a tellement longtemps, si longtemps que je n'ai pas entendu leur chant. Un feu de bois, allumé par moi, nous éclaire. Heureusement, nous avons porté des biscuits et des bouteilles d'eau. Nous mangeons et buvons en regardant les rougeoyantes flammes. De temps en temps, des étincelles crépitent joyeusement et sautillent hors du feu. Je prends mon thermos et deux verres. Je verse du thé dans le premier et l'offre à Bruno, puis je remplis mon verre. Nous savourons le liquide, il nous réchauffe le corps. Un spectacle m'impressionne, jamais vu auparavant. Des cumulus clairs couronnent les sommets des monts. D'autres, plus petits, se tiennent en suspension entre les flancs des massifs. Un agréable brouillard se répand progressivement. Quelle féerie! Décidément, la nature est le plus merveilleux des artistes peintres. Calme parfait, tout invite la terre au repos, au sommeil, et nous aussi. Très douce sensation, absolument inédite. Oui, poitrine, tu as raison de soupirer profondément. Je reconnais, cette fois-ci le hasard a bien fait les choses. Mais il se tourne vers moi, comment cela? L'éboulement qui nous a obligés à nous arrêter. Sans lui, je n'aurais jamais vécu ces instants. Je reste songeur, je m'entends murmurer. En allant au travail, jamais je n'ai jeté un regard dans un parc en me disant « Mais pourquoi tu ne prends pas un moment pour aller t'y promener, jouir de l'instant, méditer un peu ?» On passe la vie à courir sans jamais s'arrêter pour s'interroger « Mais pourquoi courir ?» On finit par être jeté dans un trou de terre sans jamais avoir rien compris. Ne sachant quoi répondre, je détourne les yeux en direction des massifs. Heureusement que pour moi, le parc, la promenade et la méditation font partie de ma journée. Merci infini aux ancêtres qui ont établi et pratiqué cette salutaire tradition. Depuis mon enfance, toute image de la nature, chaque détail parle à mon âme, reflète une sensation, un sentiment. En prenant connaissance de notre poésie passée, ma sensibilité s'est renforcée. Pas un auteur qui ne souligne les correspondances entre ce qu'offre l'environnement naturel et ce que ressent son esprit. Douce fusion, douce transition. On est extrait du ventre de notre mère biologique pour être inséré dans celui plus vaste de notre terre. Heureux celui qui possède la conscience pour en jouir. Obscurité, mystérieuse des montagnes, opacité, énigmatique de l'âme. Le doux soleil les unes éclairera, le vif éveille, l'autre illuminera. Quelque temps après, nous dormons dans la voiture, moi sur les deux sièges antérieurs, mais sur les postérieurs. Le matin suivant, très tôt, un véhicule des services de la voirie se présente. Les agents dégagent rapidement l'éboulement de terre. Nous poursuivons le voyage, mais au volant. Mon cœur se met à battre rapidement. Ah, si en sens inverse, sur ce même chemin, voyage Hoa. Que vaut la richesse en objets quand la vie est endommagée? 14 juin, soir, Pékin, petite auberge près du parc de l'Harmonie préservée. Enfin, le train arrive à Pékin. Le ciel matinal est clair. Six longues années d'absence. J'ai cru ne jamais revenir. J'ai besoin d'un moment pour laisser passer un vertige dans ma tête. Dans le hall de la gare, quel changement! Il n'y a plus de vêtements uniformes, mais de tous les genres et de toutes les couleurs. Les visages ne sont plus contractés et fermés, mais plutôt détendus. Certes, j'ai vu à la télévision les transformations intervenues, mais les constater de mes propres yeux me troublent profondément. Sorti de la gare, je marche dans la rue. Un autre changement m'est désagréable. Le tintamarre d'un très grand nombre de voitures. Rares sont les bicyclettes. Je suis effarée par ce qui me scandalise le plus. La multiplicité envahissante des slogans publicitaires. Gigantesques, arrogants et insolents. Ils vantent uniquement le superficiel pour gens enrichis. Des véhicules, des vêtements, des objets de luxe. Il n'y a plus de mot d'ordre pour imposer une conduite politique. Mais hélas, voici d'autres, tout aussi péremptoires, pour conditionner un comportement idéologique, créer artificiellement le sentiment d'avoir besoin de n'importe quelle marchandise, y compris la plus inutile, la plus ridicule. Qui sont les gens et comment obtiennent-ils l'argent leur permettant d'acquérir ces vanités? Est-il juste de susciter et vanter cette nouvelle inégalité entre les citoyens? L'immonde dragon du stupide orgueil humain, provisoirement terrassé, s'est remis à causer du mal. Je me rappelle un soir une réunion des paysans en présence du chef de notre village. Nous examinions le slogan officiel apparu lors de la réforme économique après la mort de Mao Tse-tung. Il n'est pas honteux de s'enrichir. Un jeune exprima son accord. C'est normal. Qu'y a-t-il de noble dans la pauvreté? La stupeur des visages répondit à cette inattendue, impertinente et idiote observation. L'étourdi et ambitieux jeune garçon ne s'était pas rendu compte d'avoir insulté ces paysans, certes démunis, mais dotés de leur dignité. Il poursuivit. « Si tous ne peuvent pas s'enrichir en même temps, pourquoi empêcher ceux qui peuvent l'être? Mais comment le deviendront-ils ? Objecta un vieil homme. Cela est-il possible sans porter préjudice à d'autres ? À cette demande répondent insolemment les immenses affiches commerciales encombrant les façades de la capitale. En tirant ma valise sur ses roues, je parcours à pied plusieurs rues. Bien que je sois au courant pour l'avoir vu à la télévision, j'observe néanmoins avec étonnement les nouveaux magasins gorgés de marchandises et de gadgets, les immeubles rutilants neufs, toute cette ostentation de richesses. D'où et comment est venu l'argent ? Dans une rue au trottoir très large, parmi la foule, une scène me fige de stupeur. Je vois s'approcher des passants un vieil homme, aux cheveux blancs, aux vêtements misérables, le dos lamentablement courbé, la tête baissée par la honte. Il tend une main affreusement maigre et tremblante pour mendier quelques sous. Les gens passent devant lui avec indifférence comme s'il n'existait pas. Une femme, une seule, apitoyée, s'approche du malheureux et lui offre un billet d'un yuan. J'en reste écrasé de honte. Durant toute ma vie, je n'avais vu de mendiants que sur les images documentaires relatant notre hideux passé, avant la victoire de la Révolution. Jamais je n'ai supposé voir la scandaleuse plaie de la mendicité se reproduire dans la Chine nouvelle. Et je sais combien, pour un Chinois, surtout après la victoire de la Révolution populaire, mendier est la pire des humiliations. Accablé de chagrin, je rejoins le vieil infortuné, victime de cette soi-disant moderne société. Je lui donne un billet de 10 yuan. Immédiatement, il lève vers moi un visage très surpris. Je remarque ses yeux blanchis par la cataracte. Tout ému, il me remercie en inclinant profondément la tête plusieurs fois. Immense sont ma tristesse et ma révolte. La valeur n'a aucun besoin d'être prouvée par un témoin. Un moment après, je m'installe dans un petit hôtel économique. Ma chambre est modeste, mais bien tenue. Par la fenêtre, je vois la longue cheminée d'une fabrique désaffectée. C'est là que mon père travaillait comme ouvrier. Je n'ai jamais pu connaître les circonstances de sa mort, survenue pendant mon bannissement. La seule hypothèse fut la suivante, le décès de son épouse, ma mère, et le cruel sort infligé à son unique fille, moi, auraient vaincu son désir de continuer à exister. Pourtant, je savais, quand nous étions ensemble, combien papa manifestait le plaisir de vivre, l'amour pour maman et moi, le dévouement pour le peuple, la révolution et la patrie. Alors, que s'est-il passé ? Un jour, un ami de ma famille est arrivé au village où j'étais exilé. Il me dévoila la vérité. Ton père, déclara-t-il, était un homme sincère, mais naïf. Conscient d'être un travailleur intègre et un révolutionnaire convaincu, il défendait un principe, que les entreprises soient gérées par les travailleurs eux-mêmes, sans dépendre des bureaucrates. Ces derniers ne comprenaient rien à la production et se contentaient de jouir de privilèges. Ton père fut averti pour changer de comportement et de langage, d'obéir aux ordres des représentants du gouvernement et aux principes de la Révolution. Mais il eut le malheur de déclarer « Le gouvernement, c'est le peuple. La Révolution, c'est la gestion par les travailleurs. » Il fut alors accusé d'être une herbe vénéneuse anarchiste. On produisit contre lui des soi-disant témoins. Ils l'accusèrent d'avoir voulu les convaincre de se révolter contre les représentants de l'autorité, et même d'assassiner le responsable du parti dans l'entreprise. Or, tous savaient que ton père avait horreur de la violence. Il croyait uniquement à la vertu du débat démocratique, de l'explication franche, de la conviction volontaire. La majorité des travailleurs se rendait compte que les accusations contre ton père étaient d'ignominieuses calomnies. Ce que ton père voulait, c'était simplement que la révolution soit ce qu'elle déclarait être, par et pour les travailleurs. Mais personne n'osa rien dire, par peur de représailles. Rapidement, ton père disparut de l'entreprise. Personne ne sut ce qu'il devint, personne n'osa le demander. Jusqu'au jour où une assemblée fut tenue dans l'entreprise. Le responsable local du parti déclara, faisant allusion à ton père, « Le renégat anarchiste, contre-révolutionnaire et antipopulaire, a reconnu sa néfaste et criminelle action, mais il eut la lâcheté de se soustraire au jugement. Il s'est suicidé. » Nous comprîmes la vérité. Il fut torturé, puis assassiné. La communication officielle nous a été fournie en guise d'avertissement et de menace contre d'éventuels autres travailleurs contestataires. Chacun dans sa cage finit le ramage. Le petit hôtel, je l'ai choisi non seulement à cause du prix économique, mais également parce qu'il se situe dans le quartier où je suis née et j'ai grandi. J'en suis partie contrainte, les cheveux noirs. J'y reviens libre, les cheveux gris. Je quitte ma chambre pour aller revoir les lieux de mon existence passée. Cruelle amertume. Tellement d'années, tellement de saisons loin de mes parents et sans avoir reçu de leurs nouvelles. Je suis consciente que mon histoire est celle de tant d'autres avant moi, dans ce pays de très longue histoire et de multiples tragédies. En marchant dans la rue, je désire, tout en craignant, la rencontre de personnes connues auparavant. Que leur demander? Que répondraient-elles? Où sont les enfants qui jouaient en riant, les vieillards assis sous un arbre et bavardant paisiblement, les gens qui passaient en saluant, et les petites boutiques, l'épicier, le barbier, le quincailler, le marché et les autres? Personne n'est ici pour me souhaiter la bienvenue. Papa n'est plus, maman non plus, et les voisins, les amis, que sont-ils devenus? Affligée, je contemple les immeubles tout neufs, hauts et anonymes, leurs fenêtres closes. Tout est froid, tout déprime. Même les oiseaux ont disparu, morte l'âme du quartier. Dans les rues, presque uniquement des véhicules en mouvement ou à l'arrêt. C'est bien d'avoir fourni des habitations plus confortables, mais pourquoi en détruisant la vie et le charme du quartier? Facile à comprendre, ce qui a guidé ce changement sinistre, ce ne fut pas un noble sentiment d'amélioration de la vie des gens, mais l'argent, rien que le gain d'argent. Notre révolution a versé tant de sang pour que l'être humain et ses relations avec les autres soient au centre des préoccupations et des actions. Et voilà le résultat. L'être humain n'est qu'un moyen pour s'enrichir. Qu'importe si cela le condamne à s'abrutir. Pour ne pas suffoquer d'indignation et d'amertume mêlées, je lève les yeux vers le ciel. Mais il est en grande partie caché par la hauteur des immeubles. On est privé même de la vue du ciel. Un couple de jeunes touristes chinois, l'appareil photo au cou, passe près de moi. « Pékin est devenu plus joli, n'est-ce pas ?» s'émerveille la jeune fille. « Oh oui, magnifique !» confirme son compagnon. Moi, ce que j'aurais désiré en ce moment, c'est voir, comme dans le passé, des enfants jouer dans la rue. Ils me regarderaient avec une souriante curiosité, ne sachant pas qui je suis. L'un d'eux me demanderait avec gentillesse « Vous cherchez quelqu'un ?» La question me nouerait la gorge. Pourtant, je répondrais « Je cherche mon père et ma mère si aimés, ma belle jeunesse tout estimée, mes amis et collègues, les arbres qui embellissaient les rues, les oiseaux qui y chantaient. » Brusquement, je sentirais peser sur moi un poids si énorme que mes larmes jailliraient, abondantes. L'enfant les remarquerait. Désolé, il m'interrogerait. « Vieille maman, vous êtes malade ?» Ému de lui avoir causé de la peine, je sourirais affectueusement pour le tranquilliser. « Non, petit ami, non !» D'autres mots me viendraient, mais je ne les prononcerai pas. C'est le temps passé qui me fait pleurer, les joies d'antan. Soudain, un moteur de motocyclette s'approche très rapidement et s'arrête près de moi. J'ai à peine le temps de me rendre compte de quoi il s'agit. Un des jeunes garçons saisit mon sac, accroché à mon épaule, et tente de me l'arracher. Je résiste en criant « Mais que fais-tu? Que fais-tu ?» Le voleur s'efforce encore de tirer à lui l'objet. Des passants arrivent dans la rue, contraignant les deux bandits à prendre la fuite. La moto rebrousse chemin dans la partie déserte de la rue et s'éloigne très vite. Je reste profondément choqué. Je savais que la nouvelle époque a libéré des tigres affamés et insatiables. Et voilà que même les chacals et les hyènes sont apparus. Jamais, du temps où je vivais à Pékin, un semblable acte pouvait arriver. On n'avait pas même besoin de fermer la maison à clé. Quand le vent souffle en sens contraire, comment éviter la poussière? Enfin, nous arrivons au village de Hua. Mei trouve rapidement le chef de la communauté. Lorsqu'elle lui demande des informations, en lui montrant la photo de la recherchée, il s'inquiète, craignant une mauvaise nouvelle à son propos. Mei le rassure, elle explique que je suis un ami ayant connu Hua dans le passé et que je viens pour la revoir. Le chef, tranquillisé, confirme la résidence de Hua dans le village. Mei, toute contente, me communique l'information. Je rayonne de joie. Le chef ajoute que Hua est partie en voyage et qu'elle reviendra. Il précise, elle a quitté le village le 12 après avoir pris de l'école où elle travaille une autorisation d'absence de 2 semaines. Elle m'a dit qu'elle allait à Pékin. Peu de temps après cet échange, Mei et moi sommes debout près de notre voiture. Le soleil est brûlant, notre perplexité est extrême. Nous finissons par comprendre. En apprenant par la télévision que je la cherchais, Hua est allée à Pékin en me donnant rendez-vous au parc. Me voici devant l'affreuse indécision, attendre au village le retour de Hua ou aller tout de suite à Pékin pour la retrouver. Une villageoise s'approche, la tête protégée du soleil par un large chapeau de paille en forme de cône. En passant près de nous, elle ralentit le pas et nous observe. Mei la salue avec respect d'un signe de tête. La vieille femme s'arrête et répond courtoisement. Mei lui demande si elle connaît Hoa en lui montrant sa photo. La paysanne s'inquiète. Mei la calme en lui révélant le motif de notre présence. La paysanne, dont le visage s'épanouit, nous fournit d'autres informations. Mei me traduit. Elle dit que chaque jour c'est elle qui vend du lait à Hoa, que Hoa est une femme très brave, aimée par tout le village. Je m'empresse de savoir le plus important pour moi. Est-elle mariée? A-t-elle une famille? Demande Mei à la femme. Celle-ci répond avec une certaine tristesse. Non, hélas, maîtresse Hoa n'est pas mariée. Cette information me soulage, mais pas complètement. J'insiste. Elle n'a pas un ami, un compagnon? Mei semble choquée par ma demande. C'est une question qu'on ne pose pas ici. Ah, je comprends, excuse-moi. S'il te plaît, demande si Hoa n'a pas été mariée auparavant, puis a divorcé ou que son époux est décédé. À la demande de Mei, la vieille paysanne secoue négativement la tête. Jamais, jamais elle ne s'est mariée. Il est vrai qu'ici, il lui est difficile de trouver un époux. Les hommes ont peur de s'unir avec une femme instruite qui vient de la ville et en plus du nord, de la capitale. Mais, poursuit-elle inquiète, depuis tant d'années qu'elle est ici, c'est la première fois qu'elle quitte le village. Et je ne sais pas pourquoi. Mei ne me traduisant pas, je m'agite. Que dit-elle? Attends un peu, répond Mei. Laisse-moi obtenir toutes les informations possibles, puis je te les communiquerai. Elle tourne le regard vers la vieille femme qui reprend. Déjà, maîtresse Huam me manque. Elle manquera à tout le village si elle ne reviendra pas. Pourquoi ne reviendra-t-elle pas? Je n'ai pas dit qu'elle ne reviendra pas, j'ai seulement dit qu'elle nous manquera beaucoup si elle ne revient pas. La vie est faite de choses imprévisibles. Quand la villageoise part, Mei me relate le reste de la conversation. J'en suis excité. On ne doit pas attendre, dis-je. Il faut aller immédiatement à Pékin, et si on n'y trouve pas Hua, nous reviendrons ici. Je réfléchis vite, puis je lance à Bruno. Attends un instant. Je cours et rejoins la vieille femme. Je sors de mon sac un bout de papier et écris mon numéro de téléphone, puis le tends à la villageoise. Elle le prend et secoue la tête en signe d'acceptation. Je prends ensuite un billet de banque et l'offre à la paysanne. Elle le refuse, avec politesse. J'insiste, elle résiste avec décision. J'essaye encore, en vain. Alors, je remercie la généreuse femme en inclinant profondément la tête. Elle fait de même.